zoomer. Il y a certainement une autre solution que zoomer à fond. Là. Pas top, hein. Say, I'm over all the hell. petit solo. Et chacun son tour. Ça y est.